condition. Je musique avec toute passion. Ça démontre tout le monde que t'es une conviction. En pile détermination, pour t'es une révélation. C'était ça qui t'es une grosse motivation. Non, non, non, non. You look la fait clagé. Ma voix la pile la fait commencer. Why, why, why, you look la lagué. Mes amis, you look la lagué. Seulement les plus juste seront sauvés. Musicien et fanatique, nous te formons seul équipe. Pour pas toute santé, nous te n'yons bon réplique. La jour qui te pique critique, en pile la yon te gouri. Ah papa, joli en prend loyer. Paco, Paco. You look hard. La bomba se brille, se brille. La rivière. Dale. Allá, papá.